histoire vraie. Malia surfe. Ouais, t'as crié à ta manière à l'aide que notre vie passait de l'amour à la haine. Mais t'imagines même pas comment je t'aime, car je peine à vivre avec ce cœur qui saigne. Je me suis envolé. Ce jeune homme de 17 ans, un petit blanc aimant cette fille lui ressemblant. Leur seule différence est une question de religion, car pendant un an l'amour forma notre union. Ouais, j'étais bien, aucune peine car on s'aimait. Mais un jour, la haine en nous s'est parsemée. Nos cœurs ont saigné, j'étais désarmé. En résumé, nos familles nous ont fait saigner. Au départ, on était forcés de se cacher. Je me rappelle de tous ces bons moments qu'on a passés. Mais ma famille, elle n'a pas accepté ce fait que tu sois musulman et moi français. En effet, j'étais bercé entre toi et eux comme un martyr. Puis mon grand frère s'en mêla et là ce fut le pire. Mais j'espère au moins que le paradis va t'acquitter pour ce geste regretté, car là tu nous as quitté. Je me suis envolé de mes deux ailes. De mes deux ailes. On s'est promis un amour éternel. Un amour éternel. Ouais, t'as crié à ta manière à l'aide que notre vie passait de l'amour à la haine. Mais t'imagines même pas comment je t'aime, car je peine à vivre avec ce cœur qui saigne. Notre amour était impossible dans ce monde où les races ne se mélangent pas. Pour eux c'était incompréhensible de nous voir ensemble et moi dans tes bras. Nous ne faisions rien de mal, nous nous aimions simplement. Mais pour eux c'était sale d'être si différent. Je suis partie pour tout arrêter pour que tu ne sois pas arraché. Ta famille et ton amour, mais je t'aimerai toujours. Oh. J'ai voulu tout plaquer sans rien casser. Aller en paradis. Ouais, t'as crié à ta manière à l'aide que notre vie passait de l'amour à la haine. Mais t'imagines même pas comment je t'aime, car je peine à vivre avec ce cœur qui saigne. Je me suis envolé de mes deux ailes. De mes deux ailes. On s'est promis un amour éternel. Un amour éternel. Ouais, maintenant je fais quoi? C'est ça la vie sans toi. Désolé, moi je peux pas. Je reveux tes bras. On se dit on aura un gars, nous deux dans les draps. Pourquoi faire ça? En quoi ça m'aidera? Nous étions deux incompris. Mais là tu manques et chaque soir je prie, je t'en prie. Reviens petite belle fée avec ton sourire. Désolé mais l'amour m'a fait mourir. Ouais, triste histoire vraie. Une petite fille partie au ciel pour ça. À ta manière à l'aide, notre vie passe de l'amour à la haine. Mais t'imagines même pas comment je t'aime, car je peine à vivre avec ce cœur qui saigne. Mais putain, tout ça pour du racisme. Hommage à eux deux.